gotta be nice for what to these niggas? I understand. Gotta hit the club like you hit them mangoes. It's a short life. You said you down for me. Mal, hein? Ah ouais. Il s'appelle Drake. Ah ouais. Le nom vous dit certainement rien, c'est comme Google, mais voilà, ça peut faire un truc pas ouf, mais ça fera un truc. Okay. Soyez les bienvenus, les amis. Nous sommes aujourd'hui mardi, c'est le 26 juin. Nous sommes en direct du Gros du Roi. Il y a déjà plein de monde dans le public. Ah vous ouais. pouvez vous applaudir. Vous pouvez vous auto féliciter en vous disant que vous êtes levé très tôt ce matin. Ouais. On est en direct du Gros du Roi toute cette semaine jusqu'à 9h30. On est là avec vous et avoir encore plein de choses. Il y a Dadju qui va arriver tout à l'heure. Ouais. Cool. Cool. Oui, on a fait un truc de dingue hier avec Dadju. Oh là là, c'est génial. Oh là là, bon, Paulette, elle a oublié la fin de la soirée. Ouais, c'est ça. Ouais. Rapport à ses petits problèmes relationnels avec l'alcool. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Dadju sera là tout à l'heure entre 8h30 et 9h30. Trop cool. Cool. Ah oui, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais. Mais il sera là dans le public, il regardera. Ah, il vient voir l'émission. Il va pas chanter, il a déjà chanté hier, c'est bon. Ouais. Crevé. On va en parler de l'événement hier qu'on a fait incroyable avec Dadju au milieu de la mer sur un bateau. On a hésité à le pousser un moment, ça aurait pu faire un buzz. Ah, bah ouais. On l'a juste laissé chanter. C'est bien. On en parlera un peu plus tard. Dadju sera là tout à l'heure, entre 8h30 et 9h30. Il y a plein de choses qu'on va faire aujourd'hui. Nous sommes à la mer, donc on en profite. Hein. Ouais. C'est aujourd'hui le barbecue. Non, c'est demain le barbecue. Demain, c'est demain. Ouais. Moi, je me suis réveillé il y a 10 minutes. J'ai pas de voir. Il y a la Coupe du Monde en ce moment. Donc ce soir, Coupe du Monde. Ce soir, on va aller voir le match de foot. Voilà. Avec tout le Gros du Roi, ça va faire du monde. Ouais. Bon, on en parlera un peu plus tard dans l'émission, parce qu'on démarre dans 4 minutes. Mais avant ça, les amis, c'est le club du 555. Comme chaque jour, on est là entre nous à 5h55. Vous connaissez le club du 555, le public? Pas tous? Oui. Ah, il y a du oui, il y a du non. Ouais. C'est un moment à nous. Il y a des gens qui ne sont pas encore réveillés, qui vont se lever à 6h, qui vont se lever à 6h05, qui ne connaissent pas le club du 555. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un moment où on écoute un titre, entre nous, tranquillement, nu. C'est ça. Allez, putain, tu le tentes à chaque fois. Hein. À chaque fois, mais ça ne marche pas. Eh non, tant pis. Un titre qu'on n'a pas fait forcément l'habitude d'écouter. Là, je me suis dit, parce que je suis un génie, nous sommes en été. Ouais. Si on s'écoutait dans le club du 555 des titres de l'été. Oh, t'es incroyable. Ah, t'es incroyable. Été. Vous en faites trop. Ah bon ? Été 2009, numéro 1 sur Énergie, David Guetta, When Love Takes Over. Ah, trop bien. Cool. C'est bien ? Ah ouais. Ah yes. Ouais. Voilà. On est bien. Je me sens bien. Ouais. Faut que je me réveille, mais je me sens bien. Je crois qu'on a fini trop tard hier soir. Ouais. Bon réveil sur Énergie. réveil sur Énergie, les piles 6h, qu'on amène le coq. Football. Ouais. Bon réveil. Oui, vous entendez des sifflets, des gens qui crient, des commentateurs de foot, c'est parce que la France joue cet après-midi. Et wow, bien sûr, ça va être trop cool. Bien. Alors, évidemment, cet après-midi. Je pronostique un petit 162. Ah, ouais. Il y a beaucoup de buts aujourd'hui. Ouais, bon match. Je sais pas pour qui en revanche. Soyez les bienvenus sur Énergie, les 6h, une c'est Manu dans le 6-9. On est en direct du Gros du Roi pendant toute la semaine. On démarre avec les infos. Juste après, on va s'écouter Pink parce que j'ai envie. Mmh. Oui, c'est mon truc. Okay. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Pas de changement ce mardi, la météo reste estivale pour tout le monde. Du soleil, du ciel bleu au menu toute la journée, mais aussi jusqu'en fin de semaine. Comme prévu, les températures grimpent un petit peu chaque jour. Ce matin, il fait de 13 à 23 degrés du nord au sud. Cet après-midi, on aura 23 à Lille, 26 à Chambéry, jusqu'à 28 en plein cœur d'Orléans. Et voilà, Manu vient de vous en parler. Deux objectifs pour les Bleus en Coupe du Monde. La France affronte le Danemark à 16h avec une équipe remaniée. Seulement la moitié des titulaires du Pérou devraient être alignés au coup d'envoi. Didier Deschamps, le sélectionneur, veut donc faire tourner tout en gardant la première place du groupe, synonyme en principe de huitième de finale plus favorable. Les Bleus pourraient retrouver l'Argentine qui tentera de se qualifier face au Nigeria à partir de 20h. Dans l'actu également, le bac terminé, Parcoursup peut rouvrir pour une nouvelle phase réservée aux retardataires et à ceux qui ont changé d'avis. La plateforme est de nouveau accessible aujourd'hui pour recueillir les vœux d'orientation dans les études supérieures des terminales notamment. Ceux qui n'ont toujours pas reçu de réponse positive peuvent se manifester jusqu'au 21 septembre. Un mot de la SNCF, dernier épisode de la grève perlée des cheminots entamé il y a 3 mois. Premier souci ce soir, même si les plus grosses perturbations auront lieu demain et après-demain. On connaîtra les prévisions vers 17h. Les Normands pour le camembert et maintenant la Bretagne pour son drapeau. Une nouvelle pétition vient d'être lancée pour la création d'un emoji breton sur nos smartphones. Il y a déjà 20 000 signatures en ligne. Vous pouvez vous aussi soutenir le mouvement sur emoji.bzh. Dernier jour, dernières heures pour faire votre repérage sur internet ou en magasin. Les soldes d'été débutent demain matin dans toute la France ou presque. La plupart des grandes enseignes proposent déjà des ventes privées pour leurs clients les plus fidèles. Et puis du sport, on y revient avec le basket et la 3e récompense individuelle d'un joueur français dans l'histoire de la NBA. C'est suffisamment rare pour être signalé. Après Boris Diaw et Joachim Noah, Rudy Gobert à son tour, le pivot des Utah Jazz, a été élu meilleur défenseur de championnat cette nuit à seulement 25 ans. Gobert porte aussi les couleurs de l'équipe nationale. Volontaire ou pas, Tom Holland a fait une boulette hier. Il a dévoilé une nouvelle fois le nom du prochain Spider-Man. Ça s'appellera Far From Home, Loin de la maison en français. Deuxième épisode du reboot des aventures de l'homme araignée interprété par l'acteur anglais de seulement 22 ans. Et on sait déjà que c'est Jake Gyllenhaal qui jouera le méchant mystérieux, maître de l'illusion. Sortie prévue pour ce film en 2019. On termine en musique. Avec Jane, la chanteuse vient de dévoiler le clip de son single All Right, une vidéo très girl power dans laquelle on la voit en pleine cascade à voiture et à moto. All Right, premier extrait de son deuxième album dont la sortie est attendue le 24 août prochain. 6h04, c'est la fin de ce flash. Pour l'instant, on est le 26 juin et vous retrouvez Manu dans le 6-9 en direct du Gros du Roi toute la semaine. Bonne journée sur Énergie. Soyez les bienvenus sur Énergie. On est en public, comme vous pouvez vous en rendre compte, il y a quelques personnes qui sont venues, merci à vous. Chaque matin, vous êtes plus de 300 à pouvoir venir avec nous. Nous sommes en direct du Gros du Roi pendant toute cette semaine. Vous êtes en forme? Vous êtes content de vous être levé à 4h30 du matin? Soyez pas trop fort, on se réveille s'il vous plaît. On est avec vous pour démarrer cette journée. Nous sommes mardi, c'est le 26 juin 2018. Il y a plein de choses qu'on va faire aujourd'hui. Il y a encore un programme incroyable. Ah ouais. C'est tout. Okay. Je ne vais pas vous mentir. Vous entendez ma voix. Ouais. Hier, on a fait un truc incroyable. Nous sommes retrouvés au milieu de la mer avec Dadju qui a fait un concert. Ouais, si vous voulez voir les images, si vous n'étiez pas là, c'était hier soir à 20h. Et ben, vous pouvez aller voir le Facebook Live sur notre page Facebook. C'était incroyable. Ouais, c'était top, magnifique. Une mer, un bateau, des poissons et Dadju. C'est bien résumé. Vous avez été 50 à pouvoir participer à cet événement-là. On l'a retransmis en Facebook Live. Il y a des centaines de milliers de vues déjà de la vidéo. C'était dingue. Ouais. Mais c'est vrai que on est rentré très tard du bateau et qu'on n'a pas beaucoup dormi, donc il est possible que vers entre 7h et 7h30 je fasse une sieste. D'accord, voilà. Ok. Oh, tu me préviens juste avant. Ouais, nickel. On voilà, je vous le dis. Hein. Ouais, okay. On est là. On va s'écouter Ping dans deux minutes. Juste après, c'est les concours du jour pour nous dire qu'il y a plus pire que nous. Il y a pire que nous, pardon. Oui. Ouais, pire. Et oh, je me suis couché tard. Ouais, ouais, tu travailles. J'invente des phrases et des mots, d'accord. Ouais, okay, okay. Ok. Tu peux faire la sieste maintenant aussi, c'est plus simple. Est-ce qu'on décale l'émission ou pas? Parlez pas fort, s'il vous plaît. Okay. Il a mal à la tête. Les concours du jour, des gens improbables qui font des choses improbables, spécial braqueur de banque. Je ne sais pas. Yes, cool. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé hier dans le monde. Tout le monde a voulu braquer des banques. Ah, d'accord. Mais très peu ont réussi, la preuve dans même pas 10 minutes. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous pour démarrer cette journée, Paulette? Moi, je veux demander pardon. Ah, ben voilà, je le prends. Pour l'ensemble de ta carrière? De tout. Non, j'ai péché. Clairement, j'ai péché. Je tiens à le dire, depuis qu'on est arrivé ici, au Gros du Roi, j'ai mangé de la viande. Tous les jours, en fait. Voilà, faut alors, poser. Ouais. Non, mais il faut savoir que Paulette, oui, en arrivant ici, donc au mois de septembre, nous a dit je suis végane. Oui, ça allait avant de vous connaître. Hein. Et bien sûr. Après, j'ai eu besoin de force. Et petit à petit, on s'est aperçu qu'en fait, elle est végane par intérim. Ouais, oui, c'est ça. Et ensuite, on s'est aperçu qu'elle était végane, en fait, un jour sur deux. En fait, elle est végane des jours impairs. Ouais. On est le 26 juin aujourd'hui, donc elle m'a bouffé de la viande. Non, mais là, je décide de reprendre à partir d'aujourd'hui un végétarisme complet. Mais arrête. Et si vous me voyez manger de la viande, j'ai droit à un gage de ta part, Manu, et je sais qu'en plus, toi, tu vas pas me mais non, mais tu vas en rater. Manger. Mais oui, c'est sûr. Non, je reprends. Et Paulette, elle est tellement tordue, c'est qu'elle bouffe de la viande en cachette. Oui, c'est ça. Non, mais hier, je vous parlais que nous étions sur un bateau, on a pu manger, on nous a fait des petites brochettes, des trucs comme ça. À un moment, je me retourne, je vois Paulette avec quoi? Avec une brochette dans la bouche, elle me regarde. Non, c'est pas ce que tu crois. Bah si, c'est sûr qu'on embrasse la vache. Hein, ouais. Et puis elle est fourbe en plus, c'est-à-dire que hier midi, on a quand même bouffé tous de la viande. Elle n'a pas pris de viande, mais elle en bouffe dans l'assiette d'à côté, quoi. Oui. Mais ça, c'est pas non, mais par contre, j'aime pas le gaspillage. En mange, il finissait pas son assiette. J'aime pas le gaspillage quand j'ai vu toutes ces vaches dans le champ. Non, mais là, je reprends parce que j'ai des vraies convictions. Mais cachées, hein. Ouais. Très bien. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nous? Oui, moi, je crois que je suis le premier de la semaine à faire ça, mais ça y est, j'ai pété un truc dans ma chambre d'hôtel. Oh non, moi aussi. Ah, toi aussi, moi aussi, ouais. Ah, cool. Aussi. Ouais. Pas cool. Vous avez pété quoi? Ah, moi, j'ai pété le portant pour savon là dans la douche. Il tient pas. Ah, celui-là tient pas. Moi, j'ai pété le portant pour le miroir. Vous savez, il y a une sorte de miroir qui bouge là. Ouais. Bah, c'est plus grave ça que le savon. Alors, quand franchement, même. Il est tombé. Je pensais que c'était un truc pour accrocher. Mais rien n'est fixé du coup. Si toi, tu pètes des trucs, moi aussi. Ah non, mais les portants, ils tiennent. Moi, c'est la chasse d'eau. La petite chasse d'eau pour faire pipi là. D'accord. Elle marche plus. Elle marche plus. Non, la grosse marche encore. Hein. D'accord. Ouais, sinon, je serais allé le dire à l'hôtel quand même. Ouais. Non, c'est bien, sinon, on va pas dans ta chambre. Ah oui, là-bas. Même on va pas à l'hôtel. Très bien. Glandu, autre chose à partager avec nous? Moi, j'ai été jugé par Paulette hier. J'ai envie de vous en parler parce que Parles de la femme végane qui mange de la viande. En plus, elle permet de juger les autres. C'est que moi, je me rase sous les bras. Et elle m'a dit qu'elle trouvait ça, moche pour l'été. Oh, j'ai pas fait attention. T'as pas fait gaffe? Non. Bah c'est bien, ouais, pour l'été comme ça. Ah oui, ça va, c'est rigolo. Génial. Oh, le petit poulet. Ah mais c'est ça, je lui dis assume tes poils, quoi. Je veux dire, Nico, il a des poils partout. Et bah, toi aussi, assume tes poils alors. Bah non, par rapport à c'est moins sexy. Et pourquoi tu te j'avais pas remarqué, c'est rigolo. Ouais, je sais pas, moi je trouve ça plus esthétique l'été. Ça fait poulet de Bresse. Ouais. Ah, vous aimez pas non plus. T'as pas froid? Si, j'aime bien. Ah ouais. T'as pas froid? Froid, bah non. D'accord. Ouais. C'est pas parce qu'on a des poils qu'on a chaud. Ouais, moi je suis né avec des poils, moi, donc je sais pas ce que ça fait. Alors, c'est vrai qu'à l'inverse, effectivement, c'est, les poils que tu traces, je crois qu'ils repoussent sur le corps. Ouais, c'est ça, c'est pas sympa, arrête. Il y a pas de problème. On est là avec vous, il y a Paulette, il y a Glandu, il y a Chewbacca, c'est Malu dans le 6-9. J'en étais sûr. Soyez les bienvenus, les amis. Il y a pire que nous. C'est les gens improbables qui font des choses improbables. Ça arrive pour vous dans 3 minutes. C'est les concours du jour spécial braqueur de banque. On est là en direct du Gros du Roi. On est en public pendant toute la matinée, toute la semaine. Soyez les bienvenus sur Énergie. Pour démarrer cette journée, voici le dernier Pink que j'adore. Running like a dog, fighting like a bitch too much. And you just can't stand it, baby. Even when I fall, you don't seem to give two shits. Cause you're just too cool, baby. We could have it all, neither one of us would budge. Cause we can't be wrong, baby. Folding up your arms, closing up your heart. I know you think it's me. And I for me. Sur Énergie, il est 6h12. On va s'écouter Calvin Harris et Dua Lipa. Ça arrive dans 3 minutes. Mais avant ça, comme chaque jour, voici les gens pires que nous. Des gens improbables qui font les choses improbables. C'est les concours du jour. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le monde hier. Tout le monde a voulu braquer les banques. Ouais. Ah. Mais très peu ont réussi, apparemment, vu les histoires que je vais vous raconter maintenant. Tant mieux. On démarre aux États-Unis, dans l'état de l'Ohio. Un homme braque une banque. Et le guichetier lui dit qu'ils ont besoin, en fait, d'un permis de conduire pour ouvrir la machine à billets. Ah oui. Ouais. Alors que pas du tout. Bah oui. Mais le mec leur donne son permis de conduire. Oh, c'est sympa. Donc les gens de la banque, en fait, ils prennent. Oui, un petit peu. Ah. Ils prennent son nom, son prénom, le numéro de son permis de conduire. Ah oui, d'accord. Ils lui donnent l'argent, ils lui rendent le permis de conduire. Ouais. Et la police est venue chez lui tranquillement le récupérer. Ah, c'est simple. Hein. Ouais. Voilà. C'est facile. Donc c'est pas l'enquête la plus difficile qu'ils aient eu à faire dans l'état de l'Ohio, là, on peut le dire. Au Canada, un homme braque aussi une banque et il s'enfuit en voiture. Sauf que la caméra à l'extérieur de la banque montre, grâce à la plaque d'immatriculation, que c'est une voiture de location. Ah ouais. Et oui. Et donc la police va à l'agence de location qui lui donne le nom et l'adresse complète du loueur-voleur. Et puis elle a été sonnée chez lui pour l'arrêter. Ah oui. Ah ouais, encore une enquête. Encore une enquête des experts fastoches. Ouais. C'est cool ça aussi. Et le dernier braqueur de banque, alors c'est très étonnant. Ça se passe en Angleterre. Un braqueur entre dans une banque. Il demande l'argent. Et au moment où ils vont pour lui donner l'argent, en fait, il flippe. Il fait non, laissez tomber, j'ai peur, je m'en vais. Mais non. Oui. Ah, mais... Et il part en courant. Oh, le froussard. Il l'a pas. C'est exactement ça, sauf qu'il l'a pas fait qu'une fois, il l'a fait 3 fois. Ah oui. Alors, trois fois dans la même journée dans 3 banques. Le mec, à chaque fois, ça peut marcher, ouais, puis au moment, non, c'est pas moi. Personne m'a vu, je m'en vais. C'est comme quand t'as une boum et que tu vas draguer une fille, t'oses pas. Tu vas 3 fois. Ouais. Puis en fait, tu passes devant, tu dis non, c'est pour aller prendre un verre. Ouais. C'est mieux quand tu fais ça avec une fille qu'avec une banque. Oui. Mais... Oui, voilà, c'est plus dangereux, on va dire. Voilà. Alors, le truc, c'est qu'on le recherche le jour, on sait pas où il est. On va attendre tranquillement qu'il refasse la même chose d'ailleurs. 6h14, on vient dans 3 minutes sur Énergie. On va écouter Calvin Harris et Dua Lipa. Soyez les bienvenus sur Énergie. Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue. Où les gens m'attendaient, je ne suis pas venu. Si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, sages, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey! Les gens confondent jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ces lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Si je vous gêne, bah c'est la même. chérie. La vie c'est des envies, l'envie avant les avis. Salut, c'est Presnel Kimpembe de l'équipe de France de football. À chaque fois, je suis heureux d'être sélectionné. Mais j'avoue, je comprends pas un truc. Pourquoi le coach ne sélectionne jamais Manu? Ça, ça reste vraiment un mystère. Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Et la France joue cet après-midi, je vous le rappelle, ça se passe sur TF1, c'est à 16h, France-Danemark. Ouais. Oui. Nous allons gagner. Ah bah oui, mais oui. Si vous avez envie de faire des pronostics et gagner une PS4 Pro, vous pouvez aller sur notre page Facebook, facebook.com/manu69. On peut le lancer maintenant, Nico. Avec plaisir. Il suffit de mettre votre pronostic dans les commentaires. On va vous mettre un post. Vous mettez votre pronostic et parmi les, bah, les bons résultats, on vous offrira une PS4 Pro. C'est pas mal. Ah, c'est cool. Génial. Je dis 16 à 1, moi. 16 à 1 pour qui? 16 à 1. Pour nous, putain. Ah, d'accord. Ah, ouais. Ok. Non, sinon, à moi, c'est vexant. Quand même. 16 à 1, ouais, c'est possible. Ils se sentent pas tellement soutenus si on dit 16 à 1 pour le Danemark. C'est ça. 6h18, on va s'écouter Calvin Harris et Dua Lipa. Et juste après, nous allons parler de moments magiques dans notre existence. Oh. J'ai récupéré un sondage qui liste les moments magiques pour les gens. Mmh. Genre l'accouchement, par exemple. Ah ouais. Quand on accouche, m'en parlez pas. Ah ouais. vous pouvez venir avec nous. 0870-42-48, c'est notre numéro de téléphone. On est là avec vous comme chaque matin. C'est Manu dans le 6-9. Bon réveil. Pardon, excusez-moi. J'avais pas appuyé sur le bouton. C'est amusant, je démarre dans la radio. 6h21, on va s'écouter Imagine Dragon. Ça arrive dans 3 minutes. On est avec vous comme chaque matin. On est cette semaine en direct du Gros du Roi. On est en public. Vous pouvez vous applaudir. Parce que vous êtes levé très tôt ce matin pour venir ici. C'est pas loin de Montpellier, on n'est pas loin de Nîmes. C'est pas trop loin de Marseille aussi. Si vous voulez venir, il suffit de vous inscrire. Vous allez sur manudansle69.com. Nous allons parler maintenant de moments magiques. Ah. J'ai un sondage qui a demandé aux gens quels ont été les moments les plus magiques de votre vie. Okay. Okay. Alors dans la liste, il y a se marier. Ah, évidemment. C'est vrai ah, que oui. Se marier, le jour en lui-même, il est pas mal. Hein. Ouais, ça. C'est après que c'est. Non. Il y a accoucher aussi. Alors, accoucher un moment magique. Ok. Ça dépend pour qui. Moi, je sais que ma sœur m'a dit que c'était un des pires moments. Après, quand t'as l'enfant dans tes bras, c'est merveilleux. Mais sur le moment, c'est pas un bon moment. Vous en faites beaucoup, hein, quand même, là-dessus. Ouais. J'aimerais tellement vous voir. Non, mais attends, franchement, j'ai déjà changé une roue. Ça doit être à peu près, la même galère. Tu vois, franchement, vous en faites beaucoup là-dessus. Avoir son permis de conduire aussi, c'est dans les moments magiques de l'existence. Ouais, c'est la liberté. Ah ouais, c'est génial. Ouais. Bah ouais, tu pars, tu traces la route, quoi. Tu exagères un peu au départ. Hein. Non, au départ, tu paniques quand tu fais un créneau. Donc, Mais le premier moment, ton premier trajet, quoi, quand tu dis à tes parents, attends, je vais prendre le pain. Ouais, c'est ça. C'est génial. Mais tu es en condition, t'as pas de musique, t'as rien, tu baisses les vitres et là, tu te sens libre. Quand t'as ton permis de conduire, en fait, tous tes prétextes, t'as roulé. Oui, oui. Oui, c'est vrai. Un truc que tu fais à pied à l'habitude, là, tu fais non, ouais. Je vais prendre la voiture pour y aller. C'est ça, je descends les poubelles. Voilà. dans les moments magiques de l'existence, il y a aussi entendre son bébé pleurer pour la première fois. Ah, ouais, voilà. Mais après les deuxièmes, troisièmes, quatrièmes, c'est casse-couille. Ça fait chier. Je vous propose de continuer cette liste. Ouais. Quels ont été dans votre vie vos moments magiques, Paulette? Bah, le jour où j'ai eu mon bac. Parce que moi, c'est la première fois que mon père m'a dit qu'il était hyper fier de moi. Mais je suis fière de toi, ma fille. Et c'était trop bien. Il a attendu 18 ans. Ah, oui. On va dire qu'avant, t'étais casse-couille. Hein. Enfin, il était fier de toi, ensuite, il nous l'a refilé. Hein. Moment magique de l'existence. Nico? Mon premier vrai coup de foudre, et c'est avec ma femme. Oh. C'est quand je l'ai vue la première fois, parce que j'avais discuté un petit peu avec elle, mais quand je l'ai rencontrée la première fois et que tu sens que c'est la bonne. Oh. Tu sens que c'est elle. Cool. Il y a un truc qui se passe dans son corps où j'ai tout de suite vu que c'était elle. C'est vrai que quand tu sens que c'est la bonne. Ouais, j'espérais que c'était la bonne. Tu te trompes. Ouais. Mais non, mais vous avez jamais. T'as senti qu'une fois que c'était la bonne? Bah, dès le début, quoi. Et après, bah, ça fait 10 ans que je suis heureux avec elle. Bravo. T'as déjà eu, toi, ça, un coup de foudre? C'est la bonne? Moi, à chaque fois. Ouais. C'est cool pour ta femme. Je suis pas un cœur d'artichaut, je suis un cœur de potager. Comme ça. On a Serena avec nous au téléphone. Bonjour, Serena. Bonjour, Manu. Bonjour, les Wawa. Salut. Hello. Bienvenue sur Énergie, Serena. Sors-nous un moment magique de ta vie. Alors, moi, c'était perdre ma première dent. Ah. Ah, ouais. Pourquoi? Parce que. Je m'en rappelle parce que c'était la petite souris, elle m'a donné des sous et du coup ça m'a servi à acheter des bonbons. Et ben, du coup, ben, je galérais à manger mes bonbons sans ma dent que j'avais perdu quoi, sur la pompe devant. Quoi. Mais quelle histoire, Serena. Oh là là. C'est incroyable. Donc en fait, ton moment magique, c'est quand t'as eu de l'argent pour la première fois. Quand j'ai perdu ma première dent, ouais. Attends, je passe pour un con avec mon coup de foudre. Ben ouais, évidemment. Ouais. Je me souviens pas de ma première dent perdue. Ça, c'est un vrai moment magique, ça. Pardon. Quand il y a la petite souris, qu'on soulève l'oreiller, qu'on fait « Waouh, elle a donné de l'argent !» Ah ouais. Alors, trop fière. Et on le voit, Serena. Et ensuite, le mariage, tout ça. Ouais, non, ça, c'est galère. Mais alors, la première dent. Merci de nous avoir. Mais on a bien senti que c'était ton truc, Serena. Moment magique de vie, Glandu. Moi, c'est mon premier plat cuisiné au micro-ondes. Oh non. Ah si. Oh il y a un monde nouveau on va reprendre Serena. Parce mais non, il y a un monde nouveau qui s'ouvre à toi. Par contre, les gains de temps. Mais les gains de temps, franchement, je bénis le micro-ondes. Faut pas exagérer non plus, mais la première fois que tu mets un truc dans le micro-ondes et qu'il ressort chaud. Ouais. Mais c'est vrai, c'est un truc que tu dis à ton pas. Waouh ouais. Wow ouais. C'est magique quoi. Ça ressort tout prêt, il n'y a plus qu'à manger. Mais oui, le premier minute quoi. Le premier minute de votre vie, ça n'a pas été un truc incroyable? Nico parlait de son coup de foudre pour sa femme. Comment on pouvait comparer ces deux choses? Parce que tu sais quoi, il s'emmerde tellement dans la vie qu'il n'a pas le temps de faire de 10 minutes. Ou c'est l'inverse, je ne sais pas. On a Garance avec nous. Bonjour Garance. Salut Manu, salut le public. Bienvenue sur Énergie, Garance. Ah, tu t'es mis le public dans la poche. Bien vu. Quel a été ton moment magique? Un moment magique de ta vie? Ouais, moi c'est clair, c'est mon premier orgasme. Ouais. Tu vois, je me suis dit. Wow. Attends, c'est quoi cette légende? C'est pas une légende. Pop. Ton premier orgasme. Oui, mon premier orgasme. Vas-y, continue, on est bien. Hein. Mais je me suis dit, waouh, c'est pour ça qu'on fait ça. Ah mais oui, tout s'explique là à ce moment-là. Ah. C'est exactement comme le micro-ondes. Ouais, au moment où ça fait ouais, en mieux quand même. Hein. Ah ouais, cette petite sonnerie le micro-ondes. Ah,

tout vient par la tête et il le fait sur le terrain. Sa vitesse. Il court bien vite. Sa maturité sur le terrain. En équipe de France, par exemple, à son âge, il est déjà presque le patron de l'équipe. Il rayonne, il emmène tout le monde dans son sens, sans le vouloir. Mbappé, c'est le deuxième plus cher au monde, là, et il est toujours pareil, il change pas. Ce qu'il fait à son âge, Cristiano Ronaldo, il faisait pas ça, Messi, il faisait pas ça à son âge. Voilà, très propos recueilli par Morgan Barthélémy, Danemark-France, c'est donc à suivre à partir de 16h en Russie aujourd'hui. Du vintage maintenant, le Conseil supérieur vient de présenter ses préconisations pour les programmes scolaires de l'année prochaine. Un retour en force des valeurs tradies avec l'apprentissage de la Marseillaise au primaire, la dictée quasi quotidienne, les leçons de grammaire au collège et il y aura aussi de nouveaux critères de progression obligatoires jusqu'au lycée. Pour les terminales maintenant, c'est vacances, fêtes et grâce maths jusqu'au résultat du bac le 6 juillet. On peut aussi faire un petit tour sur Parcoursup aujourd'hui qui ouvre pour les retardataires et ceux qui ont changé d'avis. La plateforme est de nouveau accessible aujourd'hui pour recueillir les vœux d'orientation dans les études supérieures des terminales notamment. Avis aux usagers SNCF bien informés, vous entrez dans une zone de turbulence. Le dernier épisode de la grève perlée des cheminots débute ce soir. La prévision de trafic à 17h pour demain et après-demain. Encore un petit peu de patience. Donc après 3 mois de mobilisation, tout devrait revenir à la normale vendredi matin. Et ils font le chemin en sens inverse de stars de ciné. Ils veulent devenir stars de YouTube. George Clooney et Kirsten Dunst vont produire une comédie noire pour la plateforme vidéo. Dunst en sera d'ailleurs l'interprète principal. C'est la fin de ce flash. Il est 6h33. Très bon réveil, très bonne matinée. Vous retrouvez comme depuis le début de la semaine Manu dans le 6-9 en direct du Gros du Roi. Il y aura Dadju en invité exceptionnel tout à l'heure. Bonne journée. On est en public, comme toute cette semaine. Nous sommes en direct du Gros du Roi pour notre dernière semaine d'émission. Soyez les bienvenus sur Énergie. Si vous voulez venir nous voir, eh ben, n'hésitez pas, il y a de la place. Ouais. On est là jusqu'à vendredi. C'est pas loin de Nîmes, c'est pas loin de Montpellier, c'est pas très loin de Marseille. Oui. C'est pas loin de Lille si vous venez en jet privé. Donc ouais, vraiment, vous pouvez faire l'effort. Vous allez sur manudanslesistoff.com pour vous inscrire. Et mercredi, c'est demain. Oui. Le barbecue géant. Ah ouais, c'est trop cool. Ça. Nous allons faire un barbecue géant dans les arènes du Gros du Roi. Ah ouais. Ce sera demain. Gros barbecue avec des jeux gonflables, a priori. Ouais. Il y aura une piscine, il y aura des jeux gonflables, on aura 4 ans. Ouais. Ça va être demain. Vous vous inscrivez aussi sur manudanslesistoff.com si vous voulez venir. On va écouter Kenji dans 2 minutes. Juste avant, il faut qu'on prenne au téléphone Jean-François. Ah. Nous avons peut-être l'homme le plus relou du monde en vacances au téléphone. Ah ouais. Je t'ai bien vendu, Jean-François? D'accord. Salut tout le monde. Bienvenue. Alors, il faut qu'on me prenne au téléphone parce que j'ai devant moi la liste des trucs de psychopathe que Jean-François fait en vacances. Ah, d'accord. Jean-François, tu as un petit souci, on est d'accord? Bah, je suis un petit peu maniaque en fait. C'est vrai. Et là, en fait, j'ai besoin de vous parce que j'angoisse à l'idée de partir en vacances avec mes potes. J'hésite même à annuler. D'accord. Enfin, ah ouais. Voilà. Toi, t'hésites à annuler, mais eux aussi, je pense, non? Ils savent pas encore. Ils savent pas. Tout, ma manière d'être maniaque, en fait. D'accord. Alors écoutez bien. Aïe. J'ai devant les yeux la liste des trucs de psychopathe de Jean-François. Ouais. Jean-François. Vas-y, dis-moi. Il faut mettre les sous-box sous tous les verres. Impossible de poser les verres directement sur une table. Ouais, j'aime pas les traces sur les tables, les meubles et tout ça. C'est impossible. À la limite, ça. Oh. Ah non. Bah, c'est compliqué quand même. Ouais, mais ça, c'est hyper important. C'est pour le bois et tout. Tu respectes quoi le produit, quoi. Non, mais c'est vrai. Si, non, ça, mais ça passe. Si, ça fait des traces, sinon. Ouais, on peut. Jean-François, déjà, tu peux partir en vacances avec Nico, ça c'est bon. Avec plaisir. Ensuite, les télécommandes doivent toujours être alignées sur les tables. Ouais. Ah bon? Ça, c'est un toc, hein, quand même, Jean-François. On est d'accord, hein. Ben non, moi je trouve que c'est quand même plus... C'était pas une question, Jean-François. Ah, d'accord. Et si un de tes amis ne les réaligne pas, tu lui dis quoi? Tu lui fais une réflexion? Tu t'énerves? Non, ben je vais toujours passer, je vais repasser, je vais le refaire. En fait, je me lasse moins vite qu'eux, donc voilà. Bah, c'est-à-dire que nous, on se lasse dès le départ, en fait, on s'en fout que la télécommande elle soit alignée, ouais, c'est ça le truc. Ensuite, la poussière, même au plafond, c'est impossible. Ouais, je déteste ça. Je déteste la poussière. Mais... Mais alors, donc, du coup, tu viens toujours avec un escabeau en vacances? Non, quand même pas, mais bon, avec un balai, on s'arrange toujours et voilà. Non, mais ouais, je suis très, très maniaque aussi sur la propreté. Après, ça, c'est cool, hein, avoir un mec qui fait le ménage en vacances, ouais, c'est pas mal. Hein. Oui, mais toujours derrière toi, quoi. Oui, c'est ça. En fait, le problème, c'est que Jean-François, il est toujours derrière ton épaule. Ah ouais? Ouais. La télécommande, tu la mets comme ça. La poussière, tu la mets comme ça. Ça va, t'as pas. Tu vois, t'es en train de faire la grasse mat et que t'as Jean-François qui est avec le balai au-dessus de ton lit, c'est moyen, quoi. C'est chelou à ton réveil, quand même. Ouais, c'est ça. Alors, dans la liste aussi des petits tocs de notre ami Jean-François, il y a j'adore dormir après avoir passé un coup de javel sur le sol dans la chambre. Oh, mais ouais, j'adore la propreté, puis l'odeur de la javel, ça me rassure. Oui, mais alors tu sais que c'est pas très très bon, et puis que les autres, on n'aime pas, nous, la javel. Ouais, mais comme je vis pas souvent avec les autres, du coup, ça va. C'est pour ça que ça me pose problème, là. Effectivement. Ça fait un peu épisode de Dexter, quand même. Oui, c'est ça. Oui. Le mec qui passe la javel et qui s'endort tranquillement après. Après avoir donné quelques coups de balai sur les jambes. Les éponges ne doivent jamais traîner nulle part, elles doivent avoir une boîte pour les garder. Bah oui, sinon c'est sale. Enfin, elle va pas se salir sur l'évier, quand même, l'éponge. Bah si. C'est pour ça qu'il faut la mettre dans une boîte. Comme ça, c'est rangé, c'est propre, c'est nickel, y a pas de soucis. Manu. Jean-François, quand t'as une copine, est-ce que tu la mets dans une boîte aussi pour qu'elle soit propre ou... Là, ça serait vraiment très très bizarre. Mais déjà avant, hein, c'est très bizarre quand même, Jean-François. Encore un petit dernier. Jean-François, il veut qu'on retire les chaussures avant de rentrer dans son appartement. Ah. Et il faut les mettre dans un sac plastique. Non. Ouais, pareil, je veux pas que ça se traîne, faut que ça soit rangé, faut que ça soit propre. Là, on parle pas des chaussures dans le sac plastique, on parle des corps de ses amis. Ah ouais, c'est chaud. Jean-François, honnêtement, je pense que ça va être compliqué de partir en vacances avec des amis si ils sont pas au courant. Hein. Mm. En fait, je vais essayer de faire peut-être un peu en douce. En fait, je m'énerve jamais. C'est-à-dire d'accord, que mais... les télécommandes, hop, je vais faire un petit peu en douce. Et comment tu fais en douce pour demander aux gens d'enlever leurs chaussures, par exemple? Discrètement, tu vas l'enlever comme un magicien, ou comment ça se passe? Soit je leur dis que c'est à eux de faire le ménage, du coup, souvent, ça les calme et ils acceptent. D'accord. Okay. On est sur du chantage. Donc, non seulement t'as les tocs, mais en plus tu dis à tout le monde de faire le ménage. Jean-François part tout seul. Ouais. Souvent on reproche aux hommes d'être un peu cracra. Voilà, moi on me reproche pas ça. Ah non. Ah oui. Ça, mais il y a tellement d'autres choses qu'on te reproche. Sauf qu'il est pas avec nous, il m'a niqué ma semaine de vacances. C'est vrai que par même à distance, tu nous as fatigués, Jean-François. Ah mais désolé. Non. Écoute, tu sais quoi, on se rappelle à la rentrée, tu nous raconteras comment sont passées tes vacances, d'accord? Mais en tout cas, je suis très très content de les avoir passées un petit peu avec vous, et puis j'espère que je vais pas trop saouler mes potes, en tout cas. Ça marche, mais tu restes à distance. C'est complet l'émission, hein, c'est complet le public jusqu'à la fin de la semaine. Belle journée à toi, Jean-François. Merci, belle journée, salut. Ciao, 6h38 sur NRJ, on va écouter Kenji tout de suite, et juste après, c'est les sondages du matin. Une femme sur cinq avoue que ça lui est déjà arrivé lors d'un premier rendez-vous. De quoi il s'agit? Eh bien, c'est dans 3 minutes la réponse, juste après Kenji sur NRJ. Et ça recommence. Je lui parle d'amour que dans un silence. Mes yeux savourent son galbeuse des hanches. Entre méfiance et ce qu'elle en pense, je prends ses courbes et j'augmente mes chances. Je me demande ce qu'on fera comme folie. Des comme des torticolis. Je vais entendre toute sa mélodie. Sera toute la nuit, et comme toujours, ça recommence. Dis-moi, dis-moi, dis-moi, Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. C'est exceptionnel. Elle a peur d'avion mais veut toujours le septième ciel. Dire ce que je ressens, non ça vaut pas la peine. Elle me fait de scène 8 jours par semaine. En filature j'ai pris ses sentiments. En miniature j'ai pris des photos d'elle. Je suis le meilleur, elle le fait que soit possible. Je dis à tout à l'heure, elle me dit je serai pas là. Dans son cœur y'a de quoi faire des ricochets. Il y a plus d'amour, y'a que des états d'âme, d'âme. Je veux que tu meurs de moi, moi. Serre-moi contre toi, toi. Je veux que tu meurs de moi. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Es que María, tú me bailas de locura. La temperatura como la noche está dura. Y toda una aventura, más rica que pura. Mírame María, con tu cuerpo tú me curas. Tra, tra, tra, tra, tra, tra. Y yo tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Y yo tra, tra, tra. María, María, María. Dimos que tu veux faire dans le noir. María, María, María. Dimos que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria, Maria. À la fin, il s'énerve quand même. Hein. Oui, ouais, non, ça se sent qu'il est. Oui, non, il a eu un problème sur la commande. Là. le plat n'est pas arrivé assez vite. Hein. Kenji sur Énergie, 6h41. On va s'écouter Z avec The Middle. Ça arrive pour vous dans 3 minutes. Juste après, on va lire les messages que vous envoyez sur les réseaux sociaux. Super. Et puis, on va écouter les messages vocaux aussi que vous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. N'hésitez pas pendant l'émission. Et même pendant toute la journée, Nico les écoute tous et yes. Il les partage avec nous. Yes. Avant ça, comme chaque jour, voici les sondages du matin. Ouais. Alors qu'une majorité trouve ça génial. 19% des Français trouvent ça rapidement ennuyeux en vacances. D'après vous, qu'est-ce que 19% des Français trouvent ennuyeux en vacances ? Les musées ? Les musées, non. Non ? Oh non, je sais pas. Ah non, mais ça, c'est même pas en vacances. Ouais, tout le temps. Ah ouais ? Ok, les gars, merci. Mais non, il n'y a pas de mal. Jouer dans la piscine ? Jouer dans la piscine, non, c'est pas ça. Faire la fête ? Faire la fête, non. Oh. Non, non, non. C'est un truc que tu fais à la plage ou pas ? Alors, c'est à la plage. Et moi, j'avoue que je fais partie des 19%. Hein. Ça m'emmerde. Sauter dans les vagues. Sauter les vagues. Ah non, ça, c'est rigolo. Ça. Ah, ça, c'est bien, ça. Ouais. Oui, oui. Faire des mots croisés ? Non. Quoi ? Mais qui fait ça à la plage ? Bah, oh, si, mots croisés, mots fléchés, c'est amusant. Oh, ouais. Et dis donc, Raymond et Huguette, là, de. Ah, merde. J'aurais dit bronzer, du coup ? Et la bronzée, c'est ça. Vu que toi, tu ne sors pas globalement de ta chambre. Non, 19%. C'est pas faux. Ouais. 19% des Français trouvent ça rapidement ennuyeux en vacances, se faire bronzer. Ah bah ouais. Ouais. Moi, je m'emmerde. Ouais, c'est chiant. Oh. Ah, on est d'accord. Ah, oui, ouais. Mais t'as un beau temps. T'as bonne mine. Il faudrait te mettre un peu au soleil, là. Ouais. On va y aller, c'est d'accord, excuse-moi, parce que dans l'équipe, effectivement, vous êtes aperçu qu'il y en a qui bossent et d'autres qui vont. Ah, oui, donc, du coup, Mais elle a un bon temps. Ouais, c'est eh ça. Oui. Eh oui. Pauline, si tu la cherches, tu sais où la trouver au moins, quoi. Elle est à la piscine. C'est pas très compliqué. Une femme sur cinq avoue que cela lui est déjà arrivé lors d'un premier rendez-vous. D'après vous, de quoi il s'agit ? C'est pas très gentil, hein, honnêtement. C'est un peu cradoc ou pas du tout ? Non, cradoc, non. Ah, ok. Non, tu pensais un petit non, c'est pas ça. Non, non. Oublier sa carte bleue ou faire semblant d'avoir oublié sa carte bleue ? Oh, c'est joli ça. Bah, une femme sur cinq, ça peut arriver. Non, non, c'est quelque chose qui lui est arrivé, elle a pas fait exprès. Ah. Ah ouais, là c'est plus compliqué. Paulette, un truc qui t'est arrivé un premier rendez-vous, pas fait exprès. Ah bah moi j'ai pas fait exprès, je me suis dit que ça deviendrait un pote, c'est pas gentil mais. Non, ça c'est pas gentil, non, ça, c'est. Ouais. Mais c'est pas ça. C'est un rapport avec le mec en question. Oui, oui, absolument, c'est un rapport avec l'homme qui est en face. Ah, oula. Une femme sur cinq, quand même, c'est beaucoup, avoue que ça lui est déjà arrivé. Elle se tromper de prénom. Elle sait pas se tromper, c'est oublier. Ah, carrément. Ah. Oublier le prénom de la personne en face à un premier rendez-vous. C'est vrai qu'elle le regarde, c'est machin. Dis-moi là, machin chose. Oui, là. Mais t'appelles. Ma coloc, par exemple, elle envoie tellement des mecs qu'au bout d'un moment, c'est compliqué. Oui, mais elle. Tu vois noté. Oui. Faut qu'elle ait un calepin, quoi, au rendez-vous. Oui, c'est bien un calepin au rendez-vous. C'est génial. Alors attends, qu'est-ce que c'est ? Toi, on est le combien aujourd'hui ? On est le 26 juin. Toi, t'es le numéro combien ? C'est agréable toujours. Ça part bien. Ça part bien. 46% des hommes se disent incapables de faire cette tâche. Ah. Quelle est cette tâche ? Quasiment un homme sur deux, hein, se dit incapable de la faire. Passer le balai ? Passer le balai, c'est pas ça. C'est une tâche ménagère ? Oui, une tâche ménagère. Faire le lit ? Faire le lit, non. Repasser ? Non plus. T'as besoin d'un accessoire pour le faire ou pas ? Ah, il sait même pas ! C'est génial. Je pense que je fais partie des 46%. Ah ouais ? Ok. Ah, d'accord. Non, t'as besoin d'un truc, oui. Ah, une pyrolyse ? Pardon ? Une pyrolyse. C'est quoi ? Quand tu mets un four très chaud pour le nettoyer. Oh putain, le mot pyrolyse, j'ai vu ça dans le mode d'emploi du four. Mais oui, il y a ça. Mais je me suis toujours demandé ce que c'était. Il y a marqué pyrolyse du four. Ouais. J'ai jamais lu ce truc. Il n'y a rien à faire. Tu mets le four très fort et ça le nettoie. Ouais. C'est cool ça. Ouais. Pyrolyse, ça veut dire nettoyer. J'ai jamais fait moi, mais j'ai vu des gens le faire. Énorme. À des conférences. Ok, c'est pas ça. 46% des hommes se disent incapables de faire cette tâche, faire une lessive. Ah ouais. C'est hyper simple. Non, c'est chaud. Non, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a beaucoup trop de chiffres sur la machine. Là. Ouais. Ah oui, mais les chiffres sont reliés à des températures. Vous mettez le linge, on met à tourner, on appuie sur le bouton marche. Trop compliqué. Ah. Ouais. Non. Ah, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de degrés de température, de mode, etc., si c'est les mêmes vêtements ? Surtout tu veux vraiment que je t'explique ou c'est chiant ? Non, on veut pas. Ouais, mais fais-le. Non, mais en fait, le truc, c'est en plus, il y a 1000 températures. Oui. Et tout le temps, les gens qui s'y connaissent un peu disent. Dépasse jamais 40 degrés. Oui. Bah alors à quoi ça sert d'avoir un 60 degrés ? Quand il y a une grosse tâche qu'on n'arrive pas à enlever. Oh là là. Mais oui. Faudrait qu'on essaie de te mettre dans la machine. Oh, c'est gratuit. Pardon, Paulette, c'est gratuit ça. C'est vraiment clair. C'est venu comme ça, c'est pour le plaisir. Les cadeaux, ça n'est pas. Les sondages du matin reviennent demain à la même heure, 6h46. On va s'écouter Z avec The Middle. Et juste après, on écoute les messages vocaux que vous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. C'est Nicolas Webb qui s'en occupe. Il y a un mec qui a pris beaucoup de risques là. Ah. Il avait plus d'essence dans sa voiture, il a quand même continué à rouler. Combien de temps ? Je vous le dis juste après. Oh là. Mais combien de temps ? Mais oui, le super-héros. Ça arrive dans 3 minutes sur Énergie, juste après Z. Take a seat, Right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over, I can't just let you go. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing my mind just a little. Kitchen floors are wet and taps are still running, dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over, I can't just let you go. Oh baby, why don't you just meet me in the middle? I'm losing. Sur Énergie, 6h49, on va écouter Ed Sheeran dans 3 minutes et on double votre salaire, c'est dans 15 minutes, ça va se passer à 7h05. Vous vous inscrivez sur énergie.fr, Manu dans le 69.com ou sur l'application Manu dans le 69 et c'est demain le salaire impossible. Ah ouais, oh là là. Attention, demain à 8h05, si on vous appelle, ça ne sera pas pour doubler votre salaire mais pour le multiplier par 10. Yeah, c'est dingue. C'est à l'occasion de la sortie de Mission Impossible Fallout, le nouveau Mission Impossible, c'est sort le 1er août. Mm-hmm. Et bien demain, on va faire le salaire impossible, on va le multiplier par 10. Génial. Vous génial. Pouvez toujours vous inscrire à énergie.fr, Manu dans le 69.com ou l'application Manu dans le 69. Tout de suite, on va lire les messages que vous envoyez sur les réseaux sociaux. C'est Nicolas Webb qui s'en occupe. Ouais. Et on va écouter les messages vocaux aussi. Vous les envoyez sur l'application. Hier, on a parlé des choses à ne surtout pas faire en couple. Ouais. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui avaient besoin de se confier sur Facebook. Bah, globalement, on a dit tout, en fait tout hein, dans le. Ouais. Mais il y a encore d'autres trucs, hein, t'inquiète pas. Il y a Karine qui a pour elle, c'est simple, hein, c'est conduire, il critique tout et c'est juste insupportable. Ah. C'est compliqué de partir en vacances de voiture. C'est vrai que moi, je suis pas. Mais. Souvent, je sors de la voiture. Ah ouais, ouais. En marche. Quand t'es pas au marche, c'est stressant. Non, je préfère prendre le risque de sauter. Ouais. Ah oui. Il okay. Y a Clément aussi sur Facebook qui dit prendre un bain. Ah ouais. Ça, c'est vrai que c'est chiant prendre un bain à deux. Je sais pas si vous avez déjà essayé. Si, j'ai déjà essayé. Ouais. C'est un échec total. Ouais, moi je l'avais fait. Elle m'avait dit, bah maintenant tu nettoies. Merde. Ah bon, ça devait pas se finir comme ça, normalement. C'était pas ce qu'il y avait sur le papier. Hein. Non, mais c'est un vrai souci, le bain. Ouais. Dans les trucs à pas faire en couple, il y a Grégoire aussi qui dit monter un meuble IKEA, elle ne suit jamais le mode d'emploi. Attends, merde. Ouais. Il a la même femme que moi. Ouais. Je le savais pas. Et il y a Julien aussi qui dit, alors là, je suis complètement d'accord avec lui, c'est un jogging. Ah il ne veut pas faire ça en couple. Ouais. Moi, j'ai déjà tenté de courir avec ma femme. Déjà, au bout de 5 minutes, du coup, elle s'arrête. Pourquoi ? Et elle se met à marcher. On n'est pas au même rythme, en fait. C'est-à-dire que je vais trop vite, ce qui fait qu'elle s'énerve. Donc, elle s'arrête, elle marche, et elle me dit, mais t'inquiète pas, cours. Et à chaque fois que je passe devant elle, elle me dit, t'as bientôt fini ? C'est chiant. Oh. Mais rentre. Rentre à la maison. C'est ouais. Je dis exactement la même chose à ma femme quand on fait l'amour. Mais rentre. Et je repasse derrière, je suis. T'as bientôt fini ? C'est pareil, compliqué. Exactement. Bon, vous pouvez nous envoyer aussi les messages vocaux sur notre application Malian 69. On les écoute chaque matin. Et là, attention, c'est le bordel dans une famille. Et on fait appel à nous pour régler le conflit. Coucou Manu, coucou Léon. Je vous envoie ce message vocal parce qu'il faut absolument trancher entre ma sœur et moi. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi, sortir de la douche ou sortir du lit? Et elle m'a répondu, sortir de la douche. Mais on est bien d'accord que le pire, c'est de sortir du lit, non? Alors déjà, c'est un gros débat. Ouais, ah ouais, oui, c'est un gros souci que tu as avec ta sœur. C'est important. Quel est le plus compliqué, sortir du lit ou sortir du bain? Ouais. De la douche. De la douche, mille fois. On est tellement bien sous la douche. Ah, moi, j'adore. C'est vrai que dans le lit, on n'est pas bien. Mais dans le lit, moi, je me lève au radar. Je m'en rappelle plus. En hiver, moi, je dirais la douche. Parce qu'en hiver, il fait froid chez toi, c'est pas chauffé. Mais sinon, c'est le lit qui l'emporte. Ouais. C'est quoi? On reste dans les deux. Okay. Ah, d'accord. Ah, ouais. Mais pas en même temps. C'est important. Voilà, attention, maintenant, on part sur un record là. Alors, vas-y. C'est le fameux là qui a conduit alors qu'il avait plus d'essence. Écoutons. Ah, on y va. Salut les wawins. Malgré mon tableau de bord qui affiche 0 km pour l'essence, j'ai roulé encore 4 km. Oh, ça c'est fort. Ah ouais, c'est bien. Mais on se demande toujours jusqu'où on peut aller quand on a marqué 0 km. Beaucoup l'ont tenté, mais c'est quand même compliqué. Hein. Ouais, alors attention. J'avais tenté avec 1 km. Ouais. Mais après, je me suis dégonflé. Ah bah tu m'étonnes. Félicitations à toi, bravo, t'as battu un record. La France avance, mais c'est pas grâce à nous. C'est sûr. On a le temps pour un petit dernier. Ouais, il y a la France qui joue ce soir contre le Danemark. Et on a quelqu'un qui risque d'avoir un problème ce week-end en cas de victoire des Bleus aujourd'hui. Moi, j'ai un gros problème. Si demain, la France termine première de son groupe, ça voudra dire qu'elle joue samedi à 16h. Samedi, j'ai la kermesse des enfants. Qu'est-ce que je fais? Ah merde! Ah, c'est chiant! Alors? Ah, on vous le dit pas quand vous faites des enfants, oh ça. Là c'est là. Ça? La fameuse kermesse des enfants qui tombe toujours le week-end où t'as un putain de truc à faire! C'est dur! Ça, c'est une galère! Bah, France joue quoi, ça ouais. Ouais. Faut appeler la kermesse et faut organiser l'installation de l'écran quoi! Non. Ou alors on appelle Didier Deschamps, maintenant en direct, on lui dit, faudrait que tu perdes rapport à la kermesse de l'enfant! Ah ouais. Bah oui! Ça peut se tenter! Pas sûr. N'hésitez pas à nous envoyer des messages vocaux. L'application Manu dans le 6-9, vous pouvez la télécharger. Elle est gratuite évidemment pour vos smartphones et vos tablettes. À 7h05, on double votre salaire pour la première fois de la matinée. Tout de suite, c'est Ed Sheeran sur Énergie. Soyez les bienvenus, on est mardi. On est le 26 juin, en direct toute cette semaine du Gros du Roi et en public. Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms. Only a month we've been apart. You look happier. So you walk inside a bar. He said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier. You do. You. Ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal, baby. If you're moving on with someone new, 'cause baby you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too, and until then. Everything's reminding me of you. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier. You do.

J'en ai foot aujourd'hui, je vous le rappelle. Bah oui. Ouais. La France joue contre le Danemark à 16h. Alors attention, on va aller voir nous le match sur une plage. Ouais, on est toute la, on est carrément trop de chance. On est au Gros du Roi toute la semaine, je vous le rappelle. On est en public, on fait l'émission et on fait plein de trucs. Et cet après-midi, on va aller avec vous dans un endroit qui s'appelle le Bamboo Beach. Ouais. Trop bien. Ça fait tellement Ibiza. Ah ouais. Donc on boira les cocktails et on regardera les bleus. Ouais. En gueulant, évidemment. Bouge ton cul. C'est ça. Avec des cocktails dans la main. Ouais, c'est le principe. Hein. Ouais, et pour nous reconnaître, on aura les perruques. Bleu, blanc, rouge. Ah c'est oui, vrai que personne n'en aura. Oui, bon. Donc, si vous avez envie de venir avec nous, eh ben, c'est au Gros du Roi. Vous tapez Bamboo Beach, vous trouvez la plage et on y sera à partir de 16h. Ouais. Et on sera avec vous pour regarder le match des Bleus gagner facilement un bon 16-1. C'est mon pronostic. Ouais. C'est bon, c'est bon. On va s'écouter vite avec Claudio Capéo. On double votre salaire dans 3 minutes. C'est juste après les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Avant de parler de foot, on s'intéresse à la météo. Pas de changement ce mardi, ça reste très estival pour tout le monde. Du soleil, du ciel bleu au menu toute la journée, mais aussi jusqu'en fin de semaine. Comme prévu, les températures grimpent un petit peu chaque jour. Ce matin, par exemple, il fait de 13 à 23 degrés du nord au sud en ce moment. Et cet après-midi, on aura 23 à Lille, 26 à Chambéry, jusqu'à 28 en plein cœur d'Orléans. La Coupe du Monde de foot, on y revient. Les Bleus jouent face au Danemark, donc à 16h. Pas de stress particulier, mais tout de même la volonté de garder la première place de la poule pour affronter un adversaire en principe plus favorable en 8e. Didier Deschamps devrait donc faire tourner avec la moitié des titulaires du Pérou laissés sur le banc. L'autre choc du jour aura lieu à 20h avec Argentine-Nigeria. Dans l'actu également, Parcoursup entre dans une nouvelle phase aujourd'hui. La plateforme rouvre pour les retardataires, mais aussi ceux qui ont changé d'avis. Les terminales qui viennent de passer le bac peuvent donc se connecter pour faire évoluer leurs vœux d'orientation dans les études supérieures. Ceux qui n'ont toujours pas de reçu de réponse positive doivent se manifester jusqu'au 21 septembre. Le bout du tunnel, début ce soir du dernier épisode de la grève perlée des cheminots. Après 3 mois de galère, déjà 3 mois, le retour à la normale est donc prévu pour vendredi matin. Prévision de trafic comme d'habitude vers 17h. La Bretagne dans le cœur, après la Normandie et son camembert, les Bretons lancent eux aussi une pétition sur Internet pour la création d'un emoji avec leur drapeau. Il y a déjà 20 000 signatures en ligne et vous pouvez vous aussi soutenir le mouvement sur emoji.bzh. La folie des ventes privées, on connaît ça. La plupart des grandes marques proposent déjà des super promos pour leurs clients privilégiés. Il vous reste en tout cas quelques heures seulement pour faire les derniers repérages. Les soldes d'été débuteront demain sur Internet et en magasin. Bravo Rudy Gobert, le pivot de l'équipe de France et des Utah Jazz. Il est seulement le 3e joueur français à obtenir une récompense individuelle en NBA. C'est suffisamment rare pour être signalé. À 25 ans, il a donc reçu le trophée de meilleur défenseur de la saison. Seul Joaquin Kim Noah, côté tricolore, l'avait déjà fait avant lui. Allez, Girl Power en force, Jane vient de dévoiler son nouveau clip, celui du single All Right. On la voit en pleine cascade, plus aventureuse que jamais, sur une voiture ou à moto. All Right, c'est le premier extrait de son deuxième album, dont la sortie est attendue le 24 août. Un palmarès plein de surprises pour finir. Allo Ciné vient de compiler les chiffres astronomiques des franchises ciné. Billetterie, jeux vidéo, produits dérivés, c'est Pokémon qui arrive en tête, toute catégorie. Plus de 60 milliards de dollars de revenus depuis la création du manga. Deuxième place pour un classique, Star Wars, autour des 40 milliards. Et c'est Hello Kitty qui est troisième devant Harry Potter, quatrième. 7h05, fin de ce flash. Bon réveil, bonne matinée. Mardi 26 juin, vous écoutez Manu dans 6-9 en direct du Gros du Roi sur NRJ. Bonne journée. Oh, c'est beau. Alors franchement, bravo. Ah ouais. Vous chantez faux, mais bravo. On est en public toute cette semaine, on est en direct du Gros du Roi. Si vous voulez venir, n'hésitez pas, il suffit de vous inscrire sur manudans69.com. C'est pas très loin de Nîmes, c'est pas très loin de Montpellier. Et on vous offre le petit déjeuner. Ah ouais, yes. Alors, c'est classe ça. Alors, bah, 300 personnes qui ont faim, qui se lèvent le matin, ouais. À qui on offre le petit déjeuner, ouais. Ah oui. Si on l'offrait pas, c'est nous que vous mangeriez. Donc on vous l'offre. N'hésitez pas à vous inscrire, manudans69.com. On va doubler votre salaire dans quelques secondes. On va écouter Vita et Claudio Capéo. Et tout à l'heure, à partir de 8h30, les amis, Dadju sera avec nous. Trop ouais, bien. Trop cool. Ça va être top. C'est les chaînes comme Django. Et si vous voulez voir Dadju chanter au milieu des poissons, ce qui est possible, il suffit d'aller sur notre page Facebook, facebook.com/malu69. Hier, on a fait une sortie en catamaran. Ouais. On vous avait annoncé ça, c'était génial. On était au milieu de la mer, on a passé la soirée. Comme ça, avec les goélands qui nous regardaient, qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Ouais, trop beau. Apparemment, les goélands sont fans de Dadju parce qu'ils étaient autour du bateau. Et Dadju est arrivé, il a fait un mini concert ultra privé pour nous sur un bateau, il est reparti. C'est génial. La classe. Et il y a même des avions, il y a des Canadair qui sont passés derrière. Oui, c'était trop incroyable. Beau. Même les gens d'ici voulaient voir Dadju dans leurs avions. Si vous voulez voir les images, mais c'est surréaliste, Dadju qui chante, nous qui regardons et des Canadair qui passent derrière. C'est magnifique. Je sais pas combien ça a coûté. Si vous voulez voir ces images incroyables, et ben vous pouvez les voir, elles sont sur notre page Facebook, facebook.com/malu69. On a fait un Facebook Live, il est toujours disponible sur la page. 7h07, les amis, on est vite en retard. Il est temps de doubler votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Laetitia habite Cap-Breton, c'est dans les Landes, elle a 32 ans et elle touche 1 220 € chaque mois. Laetitia, on t'appelle maintenant pour te doubler ton salaire juste avant de s'écouter Vita et Claudio Capeo. Nous allons faire de toi une femme heureuse. Si tu décroches. Oui. Ah. C'est Laetitia ? Oui. De Cap-Breton dans les Landes ? Oui. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? C'est Manu sur Énergie ! C'est ça ! Et voilà ! Et Laetitia, je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'avoir 300 personnes qui t'applaudissent. Non. Eh ben, tu viens de l'avoir. Ouais. On va doubler ton salaire, 1 220 € x 2, ça va faire 2 440 € pour toi. Eh ben, merci beaucoup. Eh ben, je t'en prie. Laetitia, tu es femme de ménage ? Oui. Chez les gens ou dans les entreprises ? Dans les bureaux. Ah. Dans les bureaux. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais ça fait plus de boulot, quoi, les entreprises. Quand je vois les femmes de ménage, par exemple, à Énergie, je me dis waouh, elles sont courageuses, parce que nous, on en met un petit peu partout. Tu en mets un petit peu partout. C'est ça. C'est ça. Ouais. C'est la différence. Notre bureau représente globalement un quart du temps de travail, je pense, des femmes de ménage à Énergie. Un peu plus. Ah, ouais. C'est un bordel sans nom, ce bureau. Et comment c'est dans ton entreprise, toi, Laetitia ? On bosse bien. Les gens sont propres ? Ça dépend. Laetitia, t'as déjà surpris un petit peu les employés la nuit ou pas du tout ? Ah, ça n'a rien à voir avec le ménage. Ah oui, non, j'y connais pas grand-chose en ménage. Ah, tu veux dire genre, elle ouvre pour aller nettoyer une pièce et là, elle voit des gens... Parce que je veux pas balancer, mais toi, Manu, c'est arrivé. Oui, c'est vrai. Tu nous l'as raconté. Il y a 2 jours. Non, il y a très très très longtemps que ça m'était arrivé. Il y a très longtemps, avant que tu connaisses ta femme, évidemment. Ah bah évidemment. Attends, je vérifie. C'est en quelle année ? Oui, effectivement, ça m'est arrivé. Tu n'as jamais surpris des gens en ouvrant une armoire, tiens, pardon ? Non, moi je travaille la journée. C'est pas gênant. Ça peut le faire, absolument. C'est quoi le truc le plus galère, franchement, à faire ? Dans les bureaux, c'est les poubelles. Ah oui, mais qu'est-ce que tu préfères, qu'on les mette à côté ? Mais non, c'est parce qu'ils mettent à côté. Ah oui, alors là on peut rien faire alors. Ouais. Bah, c'est le fameux truc où t'es à ta chaise de bureau et t'as envie de viser un petit peu de loin pour mettre le panier quoi. Oui, mais après tu le ramasses si tu le vises pas bien. Oui, mais peut-être que t'oublies. Tu fais autre chose parce que tu dois aller sur Facebook. Ah, et oui. Du coup tu oublies, voilà. D'accord, très bien, ok. Les gens sont crades parce qu'ils vont sur Facebook, ça ne veut rien dire. Laetitia, on te double ton salaire, bravo à toi. 2 440 €, ça arrive très vite pour toi. Eh ben merci beaucoup. Eh ben de rien Laetitia, belle journée à toi. 7h09, ça peut vous arriver vous aussi. Il suffit de vous inscrire, vous allez sur energie.fr, manudansle69.com ou sur l'application manudansle69. Et on vous donne votre salaire tous les matins 7h05 et 8h05. Et on vous rappelle que demain, c'est le salaire impossible à 8h05. Vous pouvez encore vous inscrire, vous faites comme d'habitude, vous vous inscrivez. Et si vous êtes tiré au sort demain à 8h05, attention, on a un huissier. Un vrai huissier va faire c'est le tirage au sort. Obligé, ça rigole pas. Demain à 8h05, si on vous appelle, ce sera pour multiplier votre salaire par 10. Vita et Claudio Capeo tout de suite sur Énergie. Soyez les bienvenus dans un peu plus d'une heure. C'est Dadju qui sera notre invité ce matin. Trop bien. Et il va chanter, hein. Ouais. En live, version acoustique avec Nico Duweb à la guitare. Bon réveil sur Énergie. Comme on se couche, on se lève. Regarde ce qu'ils nous ont fait. Ils veulent tirer sur nos rêves. Elles le font pour de vrai. Le mal ne connaît pas la grève. Le mal est dans les têtes. Les petits préparent la relève. Pendant qu'on cherche la paix. Ce monde n'a plus d'âme. Vendez-moi un peu de rêve. J'ai plus de temps. Sauvez-moi ici, je crève. les choix c'est marche ou crève. On veut juste exister. Ils ont peur qu'on s'élève. Comme ça vous négligez. Et toutes nos séquelles que rien ne peut réparer. Dis-moi des pantins c'est lequel qui dit la vérité. Ce monde n'a plus d'âme. Mes ailes m'envoler. Je suis tellement sale, ça m'obsède. Je cherche la paix. On fait semblant, nos cœurs s'aiment. On est tous aimés. Avant que la lumière s'éteigne. J'ai tout à donner. Vendez-moi un peu de rêve. J'ai plus de cran. Je cherche la paix. Ils veulent nous contrôler. Ils veulent nous faire taire. Je cherche la paix. Tout miser pour toucher nos rêves. Je cherche la paix. Qu'est-ce que ça peut faire? Tout miser pour toucher nos rêves. Message automatique de la gendarmerie. Vendez-moi un peu de rêve. J'ai plus de temps. Sauvez-moi ici, je crève. J'ai plus de cran. Je veux déployer mes ailes. M'envoler. Je suis tellement seul, ça m'obsède. Je cherche la paix. On fait semblant, nos cœurs s'éteignent. On est tous aimés. Avant que la lumière s'éteigne. J'ai tout à donner. Vendez-moi un peu de rêve. J'ai plus de cran. Bienvenue sur Énergie, il est 7h13, dans 5 minutes, c'est l'appel automatique de Georges. Ah. L'intelligence artificielle la plus embarrassante de France, qui appelle un petit peu partout des gens pour les embarrasser. Ouais. D'où le nom, la voix la plus embarrassante de France. C'est ça. Aujourd'hui, il appelle des gens en se faisant passer pour la gendarmerie nationale. Mais non. Message automatique de la gendarmerie nationale. Ok. C'est pas gentil, mais non. C'est très drôle. Ouais. C'est le problème de Georges. Oui. C'est qu'en même temps, on se dit, putain, c'est pas très gentil. Ouais. Et en même temps, on peut pas s'empêcher de rire. Ouais. L'intelligence artificielle la plus embarrassante de France, elle est avec nous et ça va arriver juste après Nice Tro dans 2 minutes. Avant ça, quelques infos. Yes. On est le 26 juin, nous avons l'anniversaire aujourd'hui d'Ariana Grande. Oh. Ah. 52 ans. Mais non. Non, c'est pas. Mais non. Mais non. Jeune. Elle a 25 ans, Ariana Grande. Alors, elle a dit dans une interview, écoutez bien, je suis pour le sexe à toute heure et en tout lieu. Oh bah ok. Oh, chaud. Wow. Ah ouais, c'est cool. Enfin, le dimanche matin à la messe, par exemple. Oh, non. Okay, non, mais faut faire attention à ce qu'on dit. Oui, oui, oui. Bah voilà. Tu lui diras, fais-lui un petit SMS. Ouais. Avec plaisir. C'est les Bleus qui jouent ce soir. On en a parlé, ils jouent contre le Danemark. Ils vont les battre 16 à 1. Ouais. J'ai une info intéressante. Que font les Bleus quand ils sont pas sur le terrain? Ah ben oui, ça on veut savoir. Bah, qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils rentrent dans leur chambre d'hôtel? Ils jouent à la console beaucoup, je crois. Eh ben non. Ah bon? Écoutez bien, durant leur temps libre, voici ce que font les Bleus en Russie. Ils jouent à la pétanque. Mais non. Si. C'est vrai? Ils jouent à la pétanque entre eux. Ah ouais. Ah ok. Ensuite, ils jouent au Scrabble. Non, oui. C'est quoi ça? Mais je vous jure que c'est vrai, c'est hyper génial. Drôle. On attend la vanne. Il y a pas de vanne. Ah ouais. C'est vraiment ce que font les. C'est dingue. Ouais. D'accord. C'est vrai, il y a un journaliste qui a posé des questions. Ils font des sudoku aussi. Ah bon? Ouais. Mais c'est cool. Et ils regardent des replays de Plus belle la vie. C'est en tout cas c'est ce qu'ils disent. Ah, les Bleus ont 70 ans en fait. Ah, ouais, mais c'est exactement ça. Ouais, on part sur le terrain, ça bat, et dès qu'ils s'en sortent, ils s'effondrent. Ouais, c'est ça. Ils mettent des charentaises et on y va. Bah, exactement. C'est ça. Et si vous voulez les retrouver, c'est très simple. Vous regardez un petit peu, vous voyez des gens un peu sur une chaise avec une couverture dessus et un chat mort. Ah ouais. C'est bon, bah, on espère gagner. Bah, sur le terrain, ça va. C'est après qu'ils s'effondrent. Ouais. Allez, 7h15, on revient tout de suite sur Énergie avec Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. Et on va écouter Nice Tro dans 3 minutes. Manu dans le 6-9. C'est Manu, les wawans du matin. Sur Énergie. Énergie. I guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. Haven't I made it obvious? Music only. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. If is to be a part of my new world. Whatever happens in the future, trust in destiny. Don't try to make anything else, even when you feel. Bonjour, c'est Gilbert Montagnier avec Manu dans le 6-9 sur Énergie. Et Manu, tu sais quoi? On va s'aimer un sur une étoile ou sur un oreiller. Enfin, où tu veux. Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Il est très drôle, Gilbert Montagnier. Ah ouais. Alors attention, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Gilbert Montagnier va participer à l'émission Le meilleur pâtissier célébrité sur M6. Ah, mais non. Ah, c'est cool. Il va faire des gâteaux. C'est trop bien, ah ouais, trop c'est bon. Trop bien, trop bon, je ne sais pas, trop bien, oui. Affaire à suivre. Ah ouais. C'est en vain, on va écouter Nestro dans deux minutes, mais avant ça, voici le retour de Georges. Manu dans le 6-9, l'appel automatique de Georges. L'intelligence artificielle la plus embarrassante de France est de retour, comme chaque matin pour vous. Il appelle un petit peu partout en France, Georges, pour déstabiliser les gens. Ouais. Aujourd'hui, il appelle, il se fait passer pour la gendarmerie nationale. Imaginez, le téléphone sonne, vous décrochez, et là, vous avez un message automatique qui vous dit « Bonjour, c'est la gendarmerie ». Écoutez. Hello ? Bonjour. Bonjour. Ceci est un message automatique de la Gendarmerie nationale. Comment ça ? Nous avons relevé plusieurs infractions vous concernant durant ces derniers jours. Oh là, vous faites erreur là ! Lundi à 16h15, au supermarché, vous êtes passé à la caisse moins de 10 articles, avec 11 articles. Mais lundi, j'ai pas fait de course, monsieur. Lundi, je suis rentré chez moi, j'ai pu bouger. C'est grave. Mardi à 11h13, vous avez placé le rouleau de papier toilette vers le mur, au lieu de le placer vers vous. Mardi, j'étais de là de 7h15 à 14h45. Vous faites erreur sur la personne, monsieur. Ce délit est passible d'une amende de 600 euros. Ah non, j'étais chez... Au boulot, je peux la certifier, j'ai mes collègues. Hein. C'est très très très grave. Ah non, non, j'étais au boulot en train de prendre mes transmissions avec mon collègue qui finissait sa journée. Et je peux certifier, j'ai mes horaires de boulot qui prouvent. Hein. Nous avons finalement décidé de passer l'éponge pour cette fois. Circuler. Ok, d'accord. Bonne journée, merci. Le mec est génial. Ah ouais, il y croit, il est à fond, il répond à des messages automatiques. Et surtout, il se rappelle hyper bien de sa semaine. Mais il n'est pas débordé. Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France, elle est de retour dès demain à la même heure. L'appel automatique de Georges, Manu dans le 6-9. Attention les amis, nous sauvons tous le monde. Oui, il faut, ouais. N'ayons pas peur de le dire, nous sommes tous des Bruce Willis en puissance. Ah. Nous sauvons tous le monde, mais à notre niveau. En quoi sauvez-vous le monde à votre niveau? 0-870-42-48. Moi, je trie les papiers. Ah, c'est bien, ouais, ça. C'est bien. C'est ton truc, quoi. Je sauve le monde à mon niveau. Ouais, c'est okay. Bien, c'est voilà. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour sauver le monde? On vous prend au téléphone dans 3 minutes. 0-870-42-48. Juste après Maestro, c'est Bella Ciao sur Énergie. La mattina, mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato ed ho trovato l'invaso. Tu m'attends donné, j'attends ton retour. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. J'ai beau chanter, mais j'attends toujours que tu reviennes. Continue sans toi, tu vas m'en vouloir. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mais je l'ai fait pour toi, je t'en prie pardonne-moi. À contre-cœur, oh bella ciao. La la la la la, la la la la la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La la la la la, la la la la la. Je t'envoie mes mots de là où je suis. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Quand tous les efforts, tous les écrits n'ont plus de sens, n'ont plus de prix. J'ai crié ma peine, points sur les murs. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Crier que je t'aime, briser mon armure. L'âme qui pleure, mais le cœur dur. La la la la la, la la la la la. Sur Énergie, on est avec vous comme chaque jour, 7h24, les infos arrivent dans 6 minutes, on va s'écouter Ariana Grande, il y aura aussi Dua Lipa, et tout de suite, nous sauvons tous ensemble le monde. Oui. Que faites-vous pour sauver le monde? Mais à votre niveau. Oui. Ouais. Voilà, et ben on a pas tous des capacités comme Superman. Bah non. Que faites-vous à votre niveau pour sauver le monde? 0870 42 48, vous pouvez nous appeler. Paulette? Je fais mon propre assouplissant. Bah quoi? Bah c'est énorme. C'est quoi ce truc? C'est-à-dire qu'au lieu d'aller acheter de l'assouplissant, oui, je le fais chez moi. Mais en quoi ça sauve le monde? Bah en quoi ça sauve le monde? Je dépense pas de l'argent dans du plastique, beaucoup beaucoup de plastique, en ouais, achetant de l'assouplissant. Ah, ah, ouais. Ah non, mais je pense que je sauve mais pas. Mais tu le mets dans quoi dans ton assouplissant? Dans un ancien assouplissant que je réutilise à chaque fois. Ah ok, tu sauves le monde. Eh oui. Doucement. Vous voulez la recette? Non, non, non, c'est bon. Mais là, je sauve le monde aussi, moi j'en mets pas d'assouplissant. Ah oui, bah c'est encore mieux. Ah bravo Glandy. Bah ouais, c'est vrai. Eh ben voilà, affaire réglée. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour sauver le monde, Nico? Cette semaine, on est à l'hôtel et moi je vais garder pendant toute la semaine mes serviettes. Ah ça les c'est bien. Serviettes, ah douche. C'est bien, ouais. D'habitude, ils disent sauver la planète, si vous les voulez plus, vous les mettez par terre. Bah non, moi je les repends. Mais alors, j'ai un problème avec l'hôtel, c'est que je ne sais jamais s'ils les ont changés ou pas. Mais moi aussi. Parce que moi, je la mets, je la plie pas hyper bien, mais je la pose. Ouais. Quand je reviens après le ménage, je ne sais pas comment ils font, elles sont hyper bien pliées. Du coup, je ne sais pas si c'est l'ancienne qui a été hyper bien pliée, genre ils sont arrivés à 12, un commando repassage, ouais, ou alors s'ils ont mis une nouvelle serviette. Bah, laisse-la en boule. Bah, mais, oui, non. Mais il la replie derrière. Bah, mais s'il la replie, c'est qu'il la change. Mais je ne sais pas, ils arrivent à hyper bien plier les serviettes. Ils repassent, je pense. Ils repassent la serviette sale. Ils n'ont pas que ça à foutre. Ouais, il faut croire que si. Hein. Je pense qu'il faut que tu fasses une tâche dessus pour vérifier que c'est la tienne. C'est dégueulasse. Je vais plus prendre de douche. C'est la solution. Ça va être le plus simple. Très bien. On a Elodie avec nous au téléphone. Bonjour Elodie. Salut Manu, salut Léo. Hello. Qu'est-ce que tu fais à ton niveau pour sauver le monde? Alors moi, je sauve le monde dans ma douche. Quand je vais prendre ma douche, en fait, j'en profite pour faire un petit pipi, histoire de pas tirer la chaise d'eau. Ah, mais il paraît que c'est vachement bien. Ah ouais. Il paraît que, faire pipi dans la douche, vous économisez énormément d'eau de la chasse d'eau, en fait, qui ne sert à rien. Ouais. Et voilà. Bah, ouais. Eh ben oui, je suis désolé, Paulette, c'est plus efficace que l'assouplissant. Ouais. Après, j'ai battu Paulette. N'allez pas prendre une douche à chaque fois que vous avez envie de faire pipi, quoi. Non, ouais, du coup, ça ne marchait pas. Non. Allez faire inverse. Là, sinon, c'est un bras d'honneur au monde. Hein, Merci de nous avoir appelé, Elodie. Qu'est-ce que vous faites pour sauver le monde, Glandu? Moi, je chauffe quasiment pas mon appartement en hiver. Je chauffe quasiment jamais. Je mets des grosses chaussettes, des gros pulls. Et il fait froid. Mais tu sauves pas le monde, t'es juste radin en fait. Ah bah non, non, non, parce que du coup, pas de gaz à effet de serre, tout ça. Ah oui, c'est vrai, ça se tient bien. Et puis j'économise effectivement. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est tout ça. Mais célibataire du coup, ça fait aucune place, on veut rester chez voilà, toi. Voilà, j'ai des grosses chaussettes. C'est ça. Ah bah disons, là, à part Captain Igloo, il y a peu de monde qui va chez Glandu. Ça fait pas envie quoi. Marine, bonjour. Bonjour Manu, bonjour les Wouin. Bienvenue sur Énergie, Marine. Qu'est-ce que tu fais pour sauver le monde? Ben moi, pour sauver le monde, je réutilise les papiers cadeaux des cadeaux que l'on m'offre pour emballer des cadeaux que j'offre. Ben, c'est écolo et en plus, je fais des économies. Mmh. C'est des grosses économies, le papier cadeau. Hein, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le papier cadeau, ça coûte entre 3 et 4 000 euros le mètre carré. Mais est-ce que tu vas jusqu'à piquer les paquets cadeaux, justement, les papiers cadeaux à Noël, genre qui ne sont pas à toi, etc. Est-ce que tu les récupères? Oui, je les récupère, je les plie, je les roule.